les critiques faites aux essais. Mais reprenons. La critique la plus généralement faite à ce livre porte sur le fait que, d'une façon qui lui est propre, notre auteur s'y dépeint. Et pourtant, que de belles choses il a dit à ce propos. Si je pouvais être amené à vouloir respecter la haine dont fait preuve la foule à l'égard de l'originalité, au point de n'adorer Dieu lui-même que sous la forme humaine, je pourrais lui demander « Les anciens faisaient-ils autre chose quand ils racontaient leurs faits et gestes jusqu'au plus menu ?» Mais je ne me soucie guère de ce reproche. Il ne concerne que ceux qui méconnaissent le monde et craignent de ne pas lui ressembler, ou ceux qui, pour leur propre perte, veulent le caresser et le flatter. Et quoi ? Si nous allions chez ces peuples, dont Pline dit qu'ils ne vivent que d'odeur, ce serait donc une folie de manger ? Et après tout, messieurs de Montluc et de Lanoux, ne se sont-ils pas à notre époque décrits et représentés, eux aussi, par le récit des actions qu'ils ont accomplies pour en faire don à leur pays ? En cela, ils sont deux fois dignes d'être remerciés, l'une pour leur labeur, l'autre pour l'avoir appliqué à un tel sujet, car ils n'eussent rien pu écrire de plus vrai que ce qu'ils avaient fait eux-mêmes, ni rien de plus utile que ce qu'ils avaient si bien fait. Je ne parle pas ici de la cause défendue par Lanoux, mais seulement de la valeur et de la qualité de ces faits d'armes. Il leur semble justifié de mettre en lumière leurs actions publiques, et non celles qui relèvent de leur vie privée. Et quoi qu'ils fassent cependant une place à ces dernières, allant jusqu'à raconter leurs rêves, ils ne considèrent pourtant pas que les actes publics et privés se valent, ni même que ce qui est public n'est destiné qu'aux particuliers. Ils estiment que l'art de vivre est si facile que c'est une sottise de rendre public sa façon de le mettre en pratique. Ils sentent bien que leurs enfants ne sauraient ni danser, ni mener des chevaux, ni découper les viandes, ni saluer, si on ne le leur avait pas appris. Mais pour ce qui est de la façon de conduire sa vie, ils n'ont jamais pensé qu'elle puisse leur faire défaut. Certes, il est bien plus aisé de vaincre que de vivre. Il y a plus de triomphateurs que de sages. Mon père a pensé qu'il ne pouvait rien t'apprendre de mieux, lecteur, que la connaissance et l'usage de toi-même, tantôt par le raisonnement, tantôt par la mise à l'épreuve. Si sa peinture est mauvaise ou fausse, plains-toi de lui. Si elle est bonne et juste, remercie-le de n'avoir pas voulu priver ton enseignement du point le plus instructif de tous, l'exemple. Et le plus bel exemple de l'Europe, c'était sa vie. Et quand ses ennemis lui reprochent d'avoir raconté jusqu'au moindre détail de son instruction, c'est précisément de cela qu'il devrait le louer. Car il n'eut pas avant lui de maître pour donner une telle leçon, si nécessaire pourtant à la réussite de la vie. Non seulement parce que les grandes choses dépendent des petites, mais aussi parce que la vie elle-même n'est qu'un assemblage de points minuscules. Voyez le conseil des rois, assemblé si souvent sur la question de la préséance entre deux femmes. Les autres auteurs ont eu tort de ne pas prendre la peine de nous instruire à partir d'actions, si petites soient-elles, dont plusieurs pouvaient pâtir, et que nul ne pouvait éviter. Et rien de ce qui est important ne saurait être petit. Si cela nous touche, c'est important. Il a bien eu raison, vraiment, de nous montrer comment il se comportait dans les choses de l'amour, dans la conversation, à la table, voire aux toilettes, puisque tant d'hommes ont fait fausse route pour n'avoir su se comporter à table, dans la conversation, en amour, et aussi aux toilettes. Son exemple te semble-t-il bon à suivre ? Alors rends grâces au hasard qu'il te soit tombé devant les yeux. Te semble-t-il mauvais ? Tu n'as pas à craindre que beaucoup de monde aille le suivre. Quoi ? Tu le blâmes pour avoir parlé de lui-même, et tu ne le loues pas de n'avoir rien fait qu'il n'ait osé dire, ni pour avoir atteint la vérité dans ce que l'on dit quand on parle de soi, qui est la plus méritoire de toutes. C'est pitié que de voir que ceux qui le critiquent, de nous avoir fait son portrait, ne veulent pas, et n'osent même pas faire la même chose pour eux-mêmes, et qu'ils prétendent que ce serait pour eux faire preuve de sottise plus que d'immodestie si leur venait l'idée de se montrer. Je sais si Montaigne a raison de se produire tout nu devant le peuple, mais par contre, je sais que nul n'est fondé à l'en accuser, sauf celui qui n'ose en faire autant. Et du reste, toi qui éprouves un singulier plaisir à ce qu'on te montre un grand chef d'armée ou d'État, tu sais bien qu'il faut être un honnête homme, avant que de pouvoir y parvenir pleinement. Ces essais enseignent précisément à le devenir. Celui qui ne veut s'élever sans échelle devra passer par le crible de leur jugement. Et d'ailleurs, ce livre n'est-il pas une école de formation à la guerre et aux affaires d'État ? En fin de compte, le nœud de cette querelle, le voici. Xénophon se peint à travers la guerre et l'État. Montaigne peint la guerre et l'État à travers lui-même. Les fausses louanges. Parmi ceux qui aiment les essais, il est une autre sorte de juge malvenu. Ce sont ceux dont les louanges sont tièdes. Quiconque dit de Scipion que c'est un aimable capitaine et de Socrate un galant homme leur fait plus de tort que celui qui les ignore absolument. À cela, en effet, si on ne leur accorde pas tout, on leur enlève tout. On ne peut vanter des gens comme eux en faisant des réserves. On peut aussi bien se fourvoyer sur la quantité que sur la qualité des témoignages. L'excellence est au-delà de toute limite, et pas seulement celle de la vraisemblance. La gloire seule en est la borne. Et j'oserais dire que ceux qui blâment les essais, comme ceux qui ne font que mollement les louer, les méconnaissent tous deux également. À d'autres les louanges, pour eux l'admiration. Et si j'ai vu bien peu de critiques capables de défendre leur point de vue, parmi ceux que je n'ai pas vus, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup plus. Je puis bien le dire, car si quelqu'un connaissait vraiment les essais, il crierait tellement au miracle qu'il serait à mon avis bien difficile de ne pas l'entendre. Ceux dont je parle s'imaginent sauver la face en disant « c'est un ouvrage agréable » et c'est là leur éloge, bien plat en vérité. Ils disent encore « c'est un bel ouvrage, mais un enfant de 8 ans en ferait tout autant ». Alors je leur demande en quoi et jusqu'à quel point il est beau, jusqu'à quel point il égale les meilleurs des anciens, et en quoi il les surpasse, en quel endroit ils sont admirables, sinon là où ils se ressemblent. Je veux que l'on me dise quelle force a dépassé la sienne, quels arguments, quels raisonnements, quels jugements peuvent égaler les siens, ou pour le moins lequel d'entre eux a jamais osé se mettre autant à l'épreuve, se mettre à nu. Lequel nous a jamais laissé si peu douter de sa stature et si peu laissé à désirer de lui-même. Je laisse de côté son élégance et sa grâce qui peuvent à l'occasion trouver d'autres juges. Mais quoi qu'il en soit, s'il avait vécu au temps de ces grands anciens, on aurait pu se justifier de moins l'admirer, car on aurait pu en trouver d'autres semblables à lui. Mais face à l'indigence des esprits de notre époque, que 14 ou 15 siècles séparent du dernier livre qui aurait pu prétendre lui tenir tête, je puis dire en toute certitude qu'il aurait ravi tous ceux qui, comme moi, se seraient donné la peine de le connaître. Quand on entend parler d'un animal monstrueux, d'un homme plus grand ou plus petit que d'ordinaire, ou encore de je ne sais quel battleur faisant des singeries nouvelles ou des tours curieux, voyez comme tout un chacun, et même les plus malins, y courent comme s'il y avait le feu. Et ceux qui reviennent d'un tel spectacle ne peuvent rencontrer en chemin quelqu'un de leur connaissance ou quelques voisins sans se croire obligés par amitié de faire le récit détaillé par le menu de ce qu'ils ont vu à ceux qui n'y étaient pas, pendant qu'il serait bien à plaindre celui qui aurait pu perdre une part de cette merveille. Alors que l'on peut voir tous les jours des choses semblables. Et l'on voudrait nous faire croire que s'ils avaient goûté, comme il se doit, le livre, ses lecteurs ne seraient pas accourus de toutes parts pour voir et rencontrer l'esprit qu'il a conçu. Un esprit, dis-je, qu'on ne trouve ni rarement ni souvent, mais un esprit unique depuis tant de siècles. Comment penser au moins que ceux qui n'auraient pu venir le saluer en personne n'eussent pas trouvé le moyen de le louer et de le placer au-delà de tout autre, comme il le mérite ? Il a suffi à Juste Lipse de le connaître pendant 1 mois pour que son admiration pour lui retentisse dans toute l'Europe. C'est qu'il avait compris qu'il ne s'agissait pas seulement de justice à lui rendre, mais qu'il en allait aussi de son honneur personnellement. Lire un livre est plus une épreuve pour soi-même que pour le livre qu'on lit. La pierre de touche des esprits, c'est l'examen d'une œuvre nouvelle. C'est pourquoi je veux tant de mal à ceux qui pillent les livres des autres, car s'il venait au jour quelque bon auteur moderne, l'exemple trop fréquent de ces larrons nous conduisant à penser qu'il tient ses qualités d'autrui et notre propre ignorance nous empêchant de nous rendre compte qu'il n'en est rien, la conséquence en serait que, faute d'applaudir à ses mérites, nous ferions preuve d'une insigne stupidité. Quand quelqu'un lit un ouvrage et ne vante pas son auteur, ou cet auteur est effectivement un fat, ou bien c'est le lecteur lui-même. Les essais échappent à ce soupçon. Il est facile de voir qu'ils ont été écrits par une seule main, car c'est un livre nouveau. Tous les autres, et même ceux des anciens, ont pour objectif l'exercice de l'esprit. Celui du jugement y est purement accidentel. Celui-ci, au contraire, se propose d'exercer le jugement et à l'occasion l'esprit, source perpétuelle du fléau, des erreurs communes. Les autres enseignent la connaissance. Lui s'attache à débusquer la sottise. Il a bien raison de vouloir vider l'eau sale du vase avant que d'y verser l'eau parfumée. Il dévoile 100 impostures nouvelles, et parmi elles, combien dont on n'avait pas à se vanter. Il est certain que jamais personne n'a dit ni examiné ce que celui-ci a dit et examiné au chapitre des actions et des passions humaines. Il n'est même pas certain que lui, mis à part, qui que soit, eût pu dire et examiner ces choses-là. Jamais les livres de l'Antiquité, si grands qu'ils aient pu être, ne sont parvenus à épuiser les sources de l'esprit. Seul ce livre-là semble avoir épuisé celle du jugement. Il a si bien jugé qu'il n'y a plus rien à juger après lui. Et parce que mon âme n'a pour sa part d'autre qualité que celle qui consiste à juger et raisonner de cette façon, la nature m'ayant fait cet honneur d'être, à peu de choses en plus ou en moins, toute semblable à mon père, je ne puis faire le moindre pas, en écrivant ou en parlant, sans me retrouver sur ses traces, au point que l'on peut croire souvent que je le pille. Et le seul contentement de moi-même que j'ai jamais éprouvé, c'est d'avoir trouvé, dans les dernières additions faites à ce volume, plusieurs choses que j'avais déjà formulées de façon tout à fait semblable, sans les avoir vues auparavant. Ce livre, en fin de compte, est le trône d'où la raison rend ses jugements. C'est même à proprement parler celui de l'âme. C'est l'élébore de la folie humaine. C'est le témoin de la maturité de l'esprit, la résurrection de la vérité. Il est parfait en lui-même et représente la perfection pour les autres. Et si l'on cherche à pénétrer le sens de ces mots-là, que l'on regarde quel traitement il leur applique en les disséquant bien souvent. Mais pour en revenir aux personnages dont je parlais plus haut, s'ils n'ont pas recherché cette grande âme, c'est peut-être pour vérifier sur eux la proposition philosophique selon laquelle le sage se contente de lui-même. Eh oui, vraiment, mais à la condition qu'il n'y ait qu'eux au monde. Mon père, voulant un jour me taquiner, me dit qu'il estimait qu'il y avait bien 30 hommes dans notre grande ville où il se trouvait alors, qui étaient de la même force d'esprit que lui. L'un de mes arguments pour le contredire fut que, n'y ont-il eu qu'un seul, il serait venu le saluer, et même l'idolâtrer, ai-je pris plaisir à ajouter. Et que si tant de gens l'accueillaient, c'était en tant qu'homme d'une bonne maison, pour sa réputation et sa qualité, mais aucun en tant que Montaigne. Croyez-vous donc que notre temps soit tellement porté vers la quête de bons esprits? Il en est pour penser que leurs amitiés, même une simple fréquentation, leur fait injure, s'ils ne lui trouvent des qualités. Et si Socrate renaissait, un gros monsieur aurait honte de simplement faire état des visites qu'il lui rend. Ou bien, si la curiosité lui donnait quelque envie de l'aborder, il s'en contenterait pour une fois comme on le fait quand on contemple des tableaux. Il s'en retournerait chez lui, satisfait d'avoir contenté le désir qu'il avait eu de voir un bel esprit, parce qu'il en aurait contemplé la boîte crânienne, située entre les deux yeux. Il ne faut qu'un instant pour voir le ciel, mais il faut du temps pour voir un esprit, tout autant qu'il en faut pour l'instruire. Qui ne fréquente que les gens de qualité, montre par là qu'il n'y a pour lui que la qualité qui compte. S'il était plus galant homme qu'il n'est un monsieur, il rechercherait la compagnie d'un galant homme avant celle d'un monsieur. Mais c'était le fait des rois Attale et Ptolémée que de donner les premières places dans leur palais et dans leur compagnie aux esprits de premier ordre. ils étaient trop savants eux-mêmes pour pouvoir s'entretenir à leur niveau avec des gens qui n'eussent pas été parmi les plus puissants cerveaux. Et leur mérite était si grand qu'ils auraient eu bien plus à perdre que leurs compagnons s'ils n'avaient su se faire comme amis ceux qui seraient plus tard capables de les faire valoir sur le théâtre de la postérité. Et cependant, si se penchant à ne considérer que leur rang et à mépriser les hommes dont les grades sont inférieurs aux siens n'est pas le fait d'un monarque, voire du plus élevé des monarques, il me semble qu'outre son ineptie, c'est là une attitude encore plus injurieuse envers celui qui l'affiche qu'envers autrui. Elle le faisait l'égal des 10 millions de têtes viles, mauvaises et sottes, qui de par le monde se trouvent au même rang que lui, si brillant qu'il soit. Et il n'en sera pas moins dédaigné par bien d'autres, par tous ceux qui le surpassent encore dans son attitude. N'est-il pas honteux de ne s'estimer que sur un seul point, et celui-là seulement qui, par ce qui le fonde, fait que tant de millions de personnes vont devoir le mépriser? Et quel est l'homme d'honneur qui daignerait accepter pour ami celui qui reconnaît que tant de gens auraient honte de l'accepter tel qu'il est? La solitude et l'amitié. Retournant à mon propos, je dirais que les grands esprits recherchent, aiment et sont séduits par les grands esprits, comme si leur être prenait son origine dans ce mouvement premier qui les pousse vers leurs semblables. Désassemblez les rouages de l'horloge, ils cessent de fonctionner. Remettez-les ensemble, sans changer leur matière ni leur forme. Il semble que ce soit en cette disposition unique qu'ils donnent une image de la vie, par leur agitation perpétuelle. C'est aller trop loin que de vouloir faire le sage et le solitaire à la fois, si le destin ne refuse pas d'offrir un compagnon. Il est vrai qu'un ami n'est pas seulement un compagnon, et que l'amitié n'est pas simplement une liaison, ni une relation. C'est une vie redoublée. Être un ami, c'est être de foi. Il n'est aucun homme qui puisse vivre seul. Il est bien malheureux celui à qui la solitude peut enlever quelqu'un s'il n'est pas un grand homme. Être seul, ce n'être qu'à demi. Mais celui qui n'est plus qu'une moitié, pour avoir perdu celui qui en était l'autre, est encore plus misérable, et ô combien, que de ne jamais l'avoir trouvé. Il y a 1000 arguments pour s'opposer à ceux qui disent qu'une belle âme peut vivre heureuse sans faire alliance avec une autre. Ils disent cela pour mieux excuser la stupidité qui les empêche de chercher, parce qu'ils seraient incapables de pouvoir vraiment en tirer profit. Car celui qui en serait capable désirerait obtenir cette volupté de l'esprit qui, du fait de sa prééminence sur toutes les autres parties de l'homme, est la première de toutes les voluptés humaines, et qui naît principalement du commerce que l'on entretient avec son semblable. Ce n'est pas seulement le souci de son contentement ni de son réconfort qui pousse l'âme à cette recherche. C'est l'impérieuse nécessité de sortir du désert. Mais elle n'est pas si grande si la foule n'est pas un désert pour elle. À qui voulez-vous qu'elle offre la connaissance qu'elle a d'elle-même si elle ne peut trouver sa pareille? À qui importe peu de se faire connaître parce qu'il n'en est pas capable? N'est-il pas nécessaire malgré tout de se voir préférer au reste des hommes, aimé, chéri, voire adoré? Si quelque monarque en venait à être mélangé au peuple et que, sa dignité étant ignorée, il se trouva placé au même rang que les charretiers, ne souhaiterait-il pas, avec l'ardeur la plus extrême, rencontrer quelqu'un qui, reconnaissant sa condition, s'écrierait « c'est le roi » et ainsi lui rendit son rang? Qui pourrait nous convaincre de la beauté qu'il y a à vivre parmi les aveugles? Ou à ne chanter que pour les sourds quand on a la délicate voix de Néron? Ne pas être connu, c'est en quelque sorte ne pas être. Car l'être se réfère à l'action. Et il n'est pas, me semble-t-il, d'action parfaite pour qui n'est pas capable de la savourer. Si l'on peut évoquer ici l'ambition, nous n'en sommes pas assez honteux pour la désavouer. Car un sage se languit s'il ne peut rendre un homme de bien témoin de la pureté de sa conscience face à la boue du vulgaire, des distances qu'il prend avec les erreurs communes et privées dont le peuple raffole. De combien il est plus proche de Dieu qu'ils ne le sont? Combien il pourrait faire de mal et qu'il ne le veut pas? Combien il serait préférable de s'en remettre à lui plutôt qu'au reste du monde? Et de quelle façon il saurait rendre heureux son ami et le racheter par sa mort? À qui veut-on donc qu'il fasse part de si belles conceptions? À qui veut-on qu'il parle et tienne des discours? Le seul plaisir qui puisse sinon contenter et du moins retenir et fixer une belle âme? À qui, sinon à quelqu'un qui ait les mêmes capacités que lui? Celui qu'on relègue seul au fond du désert d'Arabie ne connaît rien de pire que cela, ne voit personne qui lui ressemble, le reconnaisse, le comprenne. À qui pourrait-il communiquer tant de choses qu'il ne saurait taire sans en souffrir la géhenne, ni les dire par intérêt, du fait de la tyrannie exercée par la coutume sur la raison ou quelque autre empêchement, si ce n'est à une oreille convenable? Avec qui pourrait-il se moquer de la sottise des hommes, tellement grande, et le plus souvent si défavorable pour celui qui la manifeste, qu'il semble qu'il se soit engagé comme à prix convenu pour s'égorger lui-même, afin de pouvoir blesser autrui? Car il ne loue jamais son voisin pour sa sagesse, sinon quand celle-ci l'empêche d'être heureux lui-même. La connaissance de cette triste condition humaine, qui ne lui permet pas de s'assurer qu'il fait le bien, ni qu'il juge bien sans l'approbation d'un grand témoin, l'amène à souhaiter d'en avoir un. Où veut-on, après cela, qu'il aille tirer parti de son attitude, de la douceur de sa conversation, de sa foi, de sa constance, de ses affections et de ses fonctions? Ceux qui soutiennent ici l'opinion contraire disent qu'ils répandent cela sur le peuple pour en obtenir un effet plus général. Mais c'est tout le contraire en réalité, soit qu'ils n'en obtiennent rien pour eux-mêmes, ou qu'ils en trouvent les bénéfices si maigres qu'ils n'en tiennent pas grand compte. Car ce que l'on donne à tout le monde ne concerne personne, et personne ne s'en trouve plus riche. Et puis d'ailleurs, rien ne prouve que ce présent, dont ils estiment digne un portefaix, ils puissent ensuite l'estimer digne de Platon. Il faut bien se prêter au peuple, mais il ne faut se donner qu'à la vertu elle-même. Et la vertu que le peuple peut entièrement s'approprier n'est pas une vertu bien grande. D'un autre côté, elle ne peut comporter des parties vacantes sans dommages. Des dommages en son être même, pour autant qu'elle soit active. Imaginez un peu à quoi vous réduiriez Milon si vous lui défendiez de lutter en lui liant les bras. Et de plus, qui mesurera l'attirance et l'agrément qu'un sage exerce sur un autre sage, mesurera du même coup le dégoût et le désagrément qu'il inspire à un sot. Il est la pierre de touche par laquelle on distingue l'or véritable et le faux, car il dévoile ce que l'on est en fonction de ce que l'on cherche. La vigueur de cet esprit qui fait les délices des gens intelligents est précisément ce qui froisse et blesse l'ignare, et la clairvoyance d'un autre n'est pas plus opportune à celui qui est de grande valeur qu'elle n'est importune à qui ne vaut rien. Si vous connaissez cet homme-ci, vous le démolissez. Il n'a de bon que d'être pris pour un autre. C'est pourquoi, quand on m'a rapporté qu'il y avait quelque étroite intelligence entre deux personnes, dès que je connus l'une d'elles, je fus certaine de les connaître toutes les deux. « Qui se ressemble s'assemble, » disent les clercs. Vous ne pouvez atteler au même timon un cheval fort et un faible. Tous deux se gêneraient et se fatigueraient mutuellement, et l'on peut développer cet exemple jusque dans les choses de l'amour. Qu'un galant homme puisse échapper à Théano, et qu'un lourdeau s'y laisse prendre, sont à mon avis deux choses aussi impossibles l'une que l'autre. La peau d'un sot est trop dure pour être entamée par un couteau si délicat, et vous ne sauriez attraper un buffle avec un lacet de soie, mais vous pourriez le faire pour un phénix. Enfin, pour suivre notre idée, je crois que mon père eût été de cette opinion que tout le monde préférerait la sagesse de Socrate en personne à un ami parfait, mais que si Dieu lui demandait de choisir, il ne saurait ni pourquoi celle-là se donne, ou bien se sentirait incapable d'en tirer profit. Et il est bien vrai que quiconque est capable d'aimer et d'être aimé comme nous l'entendons est capable de tout. Le malheureux qui perd la sagesse de Socrate subit une perte qui peut se remplacer. Qui a disposé d'un véritable ami et l'a perdu n'a plus rien à espérer ni à craindre, car il a déjà connu le paradis et l'enfer. Et Pythias, survivant à Damon, vous dira que s'il ne s'est pas perdu lui-même, il n'en a pas moins perdu la moitié qui le mettait en possession de l'autre. Sa condition dès lors n'est plus de vivre, mais de souffrir, car il n'est plus rien d'autre que son malheur. Il n'est plus à proprement parler, ou s'il est, c'est comme un paralytique qui survit à la dépossession de la meilleure part de ses propres membres, car son être n'était pas associé, mais confondu avec celui de son ami. Sa volonté elle-même, sa liberté, sa raison, lui restent maintenant comme des déchets inutiles, tant il s'était accoutumé à ne plus en profiter que par les mains d'un autre. Et il avait appris dans cet usage aimable qu'on ne peut en disposer avec bonheur que sous la douce et fidèle attention d'un ami. Certes, il n'est plus du tout, car s'il était plus un ami qu'il n'était un homme et lui-même, mais s'était transformé en tant qu'homme et en tant que lui-même, en un ami, maintenant qu'il n'est plus en tant qu'ami, comment pourrait-il être encore ? Ce qui reste de lui ne concerne que cette tête si chère, car s'il s'est perdu pour lui-même, c'est pour se retrouver en un autre. Être un ami, c'est n'être que dépositaire de soi-même. La plus grande souffrance au monde, c'est de connaître la plus grande félicité. Je l'avais en la personne de ce père admirable, puisqu'il faut payer la perte de ce qu'on possédait par une privation perpétuelle. Mon esprit s'est refusé 100 fois à obéir à l'idée que je formais d'écrire un mot sur les essais. Protestant de l'impuissance dans laquelle il se trouvait dans le trouble où mes tourments le précipitaient. Et ce n'est pas le lieu ici d'évoquer la très sainte et très chère société à laquelle la mort m'a arraché, ni la faculté qu'elle avait de s'entretenir de toute autre chose. Lecteur, n'accuse pas de témérité le jugement favorable qu'il a porté sur moi. Tu auras constaté en lisant ceci combien je suis loin de le mériter. C'est que, quand il m'adressait des louanges, je disposais de lui. Moi et lui, et moi sans lui, nous sommes absolument deux êtres différents. Je n'ai profité de lui que 4 ans, pas plus que lui de la Boétie. Peut-être le destin, par pitié envers les autres, limite-t-il de telles amitiés à ce terme, afin que le dédain provoqué par une jouissance que l'on sait si courte leur évite de se laisser entraîner dans les souffrances que la privation fait endurer. Bien des gens, pourtant, seront réticents à ce propos. Tout le monde, à bon droit, peut se moquer de notre impatience et nous jeter au défi de la constance, car nul n'a autant à perdre que nous. Il demande ce que devient la raison en tout cela. Mais la raison, dans ces sortes d'amitié, consiste à aimer. On ne plaint pas n'importe qui de ce malheur, car le seul terme du contrat, au marché de l'amitié parfaite, c'est « toi et moi, nous nous donnons l'un à l'autre parce que nous ne saurions aussi bien trouver ailleurs. » L'édition du texte. Il est mort à 59 ans, en l'an 1592. D'une façon si remarquable en tout point dans sa perfection qu'il n'est pas besoin que j'en parle davantage. J'en dirai peut-être un jour, si l'esprit ne me fait pas défaut, les circonstances particulières quand je les aurai très exactement apprises de la bouche même de ceux qui les auront recueillies, car plusieurs autres témoins n'ont pas pu me les confirmer. Et recueillies avec le tendre adieu qu'il demanda que l'on m'envoie de sa part, de la main du sire de la Brousse, son frère. Le sire de Buzaguet, son cousin, qui porte dignement le nom de la maison de Montaigne et dont il est le solide pilier depuis qu'elle a perdu le sien, n'a pu m'éclairer là-dessus quand je suis allé le voir tout exprès pour m'en instruire à Chartres, où ses affaires l'avaient conduit il y a quelques années de cela. Mais il est vrai qu'il n'était pas présent au décès. Au surplus, le travail de correction et d'édition de ce livre, au regard de la très mauvaise façon dont il a été conduit pour les autres, qui ne furent pas imprimés du vivant de leur auteur et dont témoigne celui qui est dû à Turneb, montrera à quel point quelque bon ange l'a estimé digne de faveurs particulières. Car ni le soin attentif des imprimeurs, à qui l'on les impute en général dans de telles circonstances, ni même celui plus exigeant encore dû à des amis, n'eussent pu y suffire. C'est que, outre la difficulté naturelle de la correction des essais, ce manuscrit-ci en présentait tellement d'autres encore que ce n'était pas une entreprise facile que d'en mener à bien la lecture, en faisant en sorte que telle ou telle difficulté n'aille pas entraîner une mauvaise interprétation ou transposition ou une omission. Et comme, d'après ce que j'ai dit, il fallait pour le bien de l'entreprise un bon tuteur, j'oserais dire, quitte à me vanter, qu'il ne pouvait en être pour son bien de meilleur que moi, car mon affection pouvait en quelque sorte suppléer à mon insuffisance. et que je sais gré au sire de Brac d'avoir toujours soigneusement soutenu Madame de Montaigne en ces circonstances, interrompant pour ce faire l'œuvre poétique dont il honore sa Gascogne, et ne se contentant pas de l'emporter sur les siècles présents et passés pour le titre d'unique mari, pour la gloire qu'il offrit à sa femme défunte, mais s'efforçant encore d'emporter celui de noble ami par les services rendus, plus méritoires encore s'agissant d'un mort. Du reste, j'ai secondé ses intentions avec le plus extrême scrupule, et je ne me suis pas refusé, quand je jugeais que quelque chose pouvait être corrigé, à me plier et conformer tout à fait mon discours à cette seule considération que celui qu'il avait voulu ainsi était père, et qu'il était Montaigne. Je dis cela enfin d'empêcher ceux qui rencontreront quelques phrases ou quelques obscurités qui les arrêtent de critiquer cette édition comme si elle avait trahi l'auteur et ne perdent de vue la recherche du fruit qui ne peut manquer de s'y trouver puisqu'elle l'a très exactement reproduit. Et je pourrais appeler pour en témoigner une autre copie qui est encore en sa maison si je devais craindre que quelqu'un puisse douter de ma sollicitude en ce qui le concerne. Montaigne. Et que ceux qui ne peuvent parvenir à pénétrer ce texte ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. Je n'y trouve qu'un seul passage inintelligible pour moi, et peut-être s'y trouvera-t-il un meilleur interprète qui puisse me le donner à comprendre. Et enfin, quoique cette édition, que je fais achever en l'an 1594 à Paris, ne soit pas aussi parfaite que je l'eusse désirée, toujours est-il que je demande que ce soit toujours à elle que l'on fasse référence. Qu'il s'agisse d'un lecteur capable de juger à quel point les essais méritent d'être connus dans leur exactitude, ou qu'il s'agisse de quelqu'un qui voudrait les faire imprimer dans les pays étrangers. Car outre le fait qu'elle n'est tout de même pas si loin de la perfection qu'on ne peut être sûr que les suivantes pourront l'approcher d'aussi près, elle est du moins scrupuleusement corrigée par un errata, sauf en quelque faute si légère qu'elle se corrige d'elle-même. Et de crainte qu'on ne rejette comme témérairement insérés certains traits de plume qui corrigent 5 ou 6 caractères, ou que quelqu'un voyant cela n'ait l'idée d'en ajouter d'autres, je déclare ici qu'il s'agit de ces mots-là. Si, démêlé, deuil, hosté, indique, estacade, affrayé, pael, ma, engagé, et en quelques autres points encore de moindre conséquence. Je ne saurais apporter trop de précautions, ni de soins, à une chose d'un tel mérite, et qui n'est pas la mienne. Adieu, lecteur. Fin de la préface. Les essais de Montaigne.